Franchement, la collection plein de cartes postales et de cocktails. Vous êtes au champagne, vous voulez un peu d'eau? Oui. Merci. Vous préférez pas le champagne? Moi, je préfère le champagne. Mais c'est du Canada Dry. Canada Dry, très sucré. Et très chaud. Non. Si, il est devenu très santé, chaud dans vos mains. Ça sent synthétique. Ça sent le liquide vaisselle. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a un truc, c'est pas... Ça fait pas envie. Je vais encore un petit peu. Je le laisse, non? Je récupère. Ah, ben d'accord. Voilà. Je les récupère, les verres. Okay. Éviter que ça traîne parmi ces jolies choses. Merci beaucoup. Encore un petit peu, merci. Non c'est bon merci. Merci bien, c'est gentil. Ouais, c'est sympa, ça fait du bien. Au théâtre, c'est pas le désespoir. Chien, je crois. Non, c'est bien sûr que je crois.